La préhistoire du futur de Benjamin Habitant. Saison 2. Épisode 5. Le Momocon. Il y a bien longtemps, en 2017, la calorie fut déclarée monnaie unique universelle. Les devises du monde entier furent peu à peu remplacées par des pièces comestibles. De cette façon, il devint possible de manger directement son argent. Ça a été votre camping au Canada ? Non, c'était l'horreur. Il y a un grizzly qui nous a bouffé tout le fric des vacances. Après de longs débats, on choisit pour cette nouvelle monnaie le nom de Momo. Pour monnaie mondiale. Les pièces de Momo étaient protégées par une enveloppe d'aluminium. Pour des raisons évidentes d'hygiène. Mais dans cette enveloppe, on trouvait une matière souple et dense. De couleur beige foncé. À mi-chemin entre le steak de soja et la pâte de coin. Samantha, tu finis ta Momo ? Mais j'aime pas. Tu finis ta Momo ? Mais j'aime pas. Samantha n'avait pas tort. Le goût de l'argent, bien que savamment étudié dans les laboratoires secrets de la Banque mondiale, restait quelque peu décevant. Il y avait là un marché à prendre. Les grandes chaînes de restauration, sérieusement affaiblies depuis l'instauration de la Momo, saisirent la balle au bon. Le consommateur avait besoin d'être rassuré. Il voulait pouvoir faire confiance à l'argent. Il nous reste une seule valeur. Vous allez quand même pas nous l'enlever. Au contraire, répondaient les grandes chaînes de restauration. Nous allons la restaurer. Chaque grande entreprise commença à frapper sa propre monnaie. Dont la valeur n'était plus indexée sur la Momo. Les monnaies furent vite très nombreuses. Elles variaient en aspect, en poids et en goût. En 2020, on échangeait un franc fauchon contre 10 Mac dollars. Et il y a quoi dedans ? Du homard, de la rose et du thon cru. Ça n'a pas l'air très nourrissant. Bah ouais. Je leur ai demandé de me payer plutôt en points Super U, mais en attendant, je mange un jour sur deux. Bien sûr, les contrefaçons ne tardèrent pas à apparaître. Monnaie alternative artisanale, biologique, délicieuse monnaie sans pesticides. Elle vient d'où votre monnaie ? On l'a fait venir directement de Sicile via une association, ça aide les petits producteurs. Oh, on dirait plutôt des bouts de quenelle de chez Franprix. Hein. Pas du tout, chère madame, je... Partout des scandales sanitaires éclatèrent. On frappait monnaie à partir de vieux pneus. On apprit à se méfier de l'argent. Dis donc, les billets que tu m'as filés pour le cinoche, il pue le poisson. Bah ouais, c'est normal. Ah bon ? Bah ouais, c'est de la réfaisandée, c'est mon frère qui a ramené ça de Malaisie. Ah, ma boulangère va jamais les accepter. Mais c'est pas grave, bouffe-les, c'est hyper bon. Des amitiés furent brisées. Des familles déchirées. Un climat de psychose s'installa. Et puis, au début des années 2030, enfin, le Momo Converteur apparut. Une machine révolutionnaire qui fut rapidement surnommée Momocon. Le Momocon était capable de transformer l'énergie du corps en une pâte comestible. En une heure de pédalage à 20 km/h, on obtenait un boudin d'une quinzaine de centimètres qu'on pouvait débiter en 10 pièces de 15 calories. Mais Jérémy, mange, voyons. Merci, maman. Oh, je les ai pédalés ce matin. J'ai vraiment pas faim du tout, là. Pour me faire plaisir. Non. Peu à peu, on découvrit qu'à force de tourner ainsi, en circuit fermé, le goût de la Momo s'affinait, se singularisait. Tout le monde ne pédalait pas la même Momo. Certains pédalaient sucré-salé. D'autres doux-amers. Nico. Quoi ? Tu pourrais pédaler un peu. Mais tu sais bien que je pédale trop cul. Ben, je sais pas, ça nous changerait. Bon, les enfants, est-ce que vous préférez que ce soit papa qui pédale ? Tu vois ? Alors que toi, tu pédales tiède, croquant, parfumé, juste comme il faut. Oui, ben mettez la table au moins. Mais pas la peine, on peut téter directement au tuyau. Ouais ! Voilà. Seigneur. La monnaie de certaines célébrités se vendait évidemment très cher. C'était la reconversion idéale pour les sportifs. Ou les chanteurs sur le retour. On atteignait des millions au kilo pour de la monnaie de Zidane ou de Yannick Noah. Garantie, sans potion magique. Comment il peut encore pédaler à son âge ? Il y a sûrement des gens qui font ça pour lui, tu sais. En 2059, pour ses 50 ans de carrière, Justin Bieber, dont la monnaie était depuis longtemps célèbre pour son goût délicat de truffes, d'iode et de champagne, mit en vente le fruit de 50 heures de pédalage au profit de la recherche contre le cancer de l'orex. L'orex, ou orifice d'extrusion, était un nouvel organe apparu dans les années 30. Il mit un siècle à se stabiliser complètement. Et conjointement au Momocon, a remplacé le système digestif. Ça a été vos vacances à Pékin ? Ouais, génial. Vous avez mangé quoi là-bas ? Il y a plein de mecs partout qui pédalent, ils extrudent la Momo directement dans ton assiette. Mais du coup, tu les payes comment ? Attends, excuse-moi, j'ai un coup de fil important. Allô ? Bon. Allô ? Bah, je saurais jamais. En 2160, on acheva enfin de boucler la boucle. Désormais, l'énergie ne devait plus quitter le corps. La monnaie comestible était produite à l'intérieur, digérée à l'intérieur. Converti en énergie, qui était converti à son tour en monnaie. L'homme était enfin une machine parfaite. Tu fais quoi en ce moment ? Ben, rien. On équipa aussi la plupart des animaux. Considérés depuis les années 2030 comme des humains à part entière. En tout cas, les cinq espèces qui restaient. Le mouvement était désormais obsolète. Enfin. Depuis, rien n'a vraiment bougé. Le plus gros problème, c'est la poussière. Il faudrait que quelqu'un passe l'aspirateur. Mais qui ? Cette blague est devenue un classique. Dans les années 2120 ou à peu près. En réalité, ce sont les machines qui passent l'aspirateur. Depuis longtemps. Et qui gèrent toutes les petites choses. La reproduction, par exemple. Et c'est bien mieux comme ça. Oh, il y a bien quelques légendes. Comme celle du type qui... Aux alentours de 2700. Se serait levé. Mais ça, personne n'y croit. C'est juste un truc pour faire peur aux enfants. Allez. Bonne année 3000. Bonne année. Bonne année. On se fait la bise ? Quelqu'un connaît une autre histoire ? C'était La Préhistoire du Futur de Benjamin Habitant. Avec Guillaume Marc, Laurent Houlier, Charlotte Durand, Dominique Parent, Dominique Labour, Camille Blouet, Thomas Gourdi, Sabine Zovidi, Alexandre Rubin, Christina Trévillier, Camille Pellissier. Retrouvez le générique complet de cette émission sur franceculture.fr.